il est que j'aime ton tuyau qui se mire au fond de l'eau. Narguilé, j'aspire ton parfum, le chat n'est pas mon cousin. Ah, ah, un peu de fumée. Ah, ah, et je vais rêver. Déjà se transforme chaque chose. Il pleut sur moi des pétales de rose. Allongé sur un divan profond, tout le jour je fais des ronds. Narguilé, ta pipe et ton tuyau, c'est le paradis dans un peu d'eau. S'est évaporé, la séance est déjà terminée.